ton sac à foutre qui chidait du Rex, avec ton sourire de pédé sournois, à la Reconquista, nulle pitié pour